Micro ouvert. Ils disent que c'est un conflit, quasiment une mésentente. Je sais pas ce que j'ai mal compris, je sais qu'ils bombardent des enfants. Je soutiens la résistance, ils disent terrorisme, apologie. J'étais du bon côté de l'histoire pendant qu'ils l'étaient pas. J'écoute mes frères me parler des colonies. Je me dis que ça devrait suffire à clore les débats. Je t'écris des lettres depuis Bruxelles pour te dire mes raisons. Palestine libre, du Jourdain à la mer, du Liban à Raza. Et je bois quelques rasades en pensant à Rafah et à ce qu'ils ont rasé. On croit pas en Oslo, désolé Arafat, ils les ont harassés. Je capte ceux qui veulent un seul état, pas un peuple harnaché. Laisse-les changer le narratif, les accords font pas la diff. Ni qu'un Occident et son besoin de contrôle maladif. De Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, révolution est nécessaire. De Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, révolution est nécessaire. De Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, les impérialistes c'est les mêmes. Palestinian people are fighting to free Palestine from the river to the sea, to create a free, democratic Palestine where everyone can live in equality and justice. Partout sur le globe, l'Occident est toxique en balle. Force à mes cures du Rojava, force au Sahara occidental. Impérialiste dans la compo, ils prennent les ressources au Congo. Juste pour l'Europe et sa conso, putain y'a un génocide au Congo. Viva Intifada, on arrive, on occupe ton unif. Radical, je crois juste en ceux qui sont lucides. Rage au ventre comme combustible, Free Palestine. Je veux que ça soit réel, ils veulent que ça soit un chant du cygne. Ils veulent que ça soit un chant du cygne, je sais pas ce que j'ai mal compris. Ils disent que c'est un conflit, je sais pas ce que j'ai mal compris. Ils disent que c'est un conflit, je sais pas ce que j'ai mal compris. Ils disent que c'est un conflit. Je sais qu'ils bombardent des enfants. De Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, révolution est nécessaire. De Bruxelles à Bethléem. De Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, les impérialistes c'est les mêmes. De Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, révolution est nécessaire. De Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, de Bruxelles à Bethléem, les impérialistes c'est les mêmes. Donc ce soir, nous sommes honorés d'accueillir Omar Jabari Salamanca, spécialisé dans les histoires de géographie et de théorie du développement, ainsi que de l'économie politique, l'écologie politique et les études sur les sciences et technologies dans les contextes coloniaux. Son expertise inclut également les histoires globales et les pratiques archivistiques des mouvements de solidarité anticoloniaux. Il a une solide publication académique, notamment sur la politique des infrastructures urbaines et le colonialisme de peuplement. Actuellement, il finalise un ouvrage sur la vie politique des infrastructures en Palestine, à paraître chez Verso Book. Avant de rejoindre l'ULB, il a occupé des postes de chercheur et d'enseignant à l'Université de Gand et à l'Université de Columbia. Il est activement impliqué dans divers comités de rédaction et groupes de recherche, en plus d'être cofondateur d'un festival d'art et de cinéma dédié à la Palestine. C'est juste ? C'est juste. Et le livre, il va être en anglais ? Ben, le livre, on va voir quand est-ce qu'il sort. Oui, mais ça sera en anglais. Ouais. Je vous présente également Bruxelles Panthère. Nous sommes un espace autonome dédié à la lutte contre toute forme d'inégalité, en particulier les inégalités raciales. Bruxelles Panthère dénonce les diverses manifestations de ces inégalités, comme l'invisibilisation politique, les stigmatisations médiatiques, les contrôles aux faciès, les brutalités policières, la surreprésentation dans les prisons, le sexisme, les discriminations à l'emploi et au logement, la ségrégation scolaire, ainsi que la répression de l'immigration et des Noirs et des Arabes, des musulmans. Nous luttons également contre toutes les dominations impériales et coloniales, y compris le sionisme, qui sous-tend et perpétue la suprématie blanche à l'échelle mondiale. Ce soir, l'analyse du racisme épistémique et de la politique d'identité hégémonique de Ramon Grossvogel résonne dans nos esprits. Tu me permettras, Omar, de citer un long passage de Ramon Grossvogel, qui est pour nous, Bruxelles Panthères, une référence. Ouvrez les guillemets. L'occidentalisme a créé le privilège épistémique et la politique d'identité hégémonique à partir desquelles il a été possible de produire des connaissances sur l'autre et de le juger. Au XVIIe siècle, avec l'ego politique de la connaissance de René Descartes, les hommes occidentaux prirent la place d'un dieu qui avait cessé d'être la source de toute connaissance. Cet ego politique est la base de la philosophie occidentale moderne. Cependant, comme nous le rappelle le philosophe latino-américain de la libération, Enrique Dussel, l'ego cogito de Descartes, je pense donc je suis, survient après 150 ans d'ego conquiro, je conquiers donc je suis. La perspective de l'œil de Dieu qu'introduisent Descartes permet de transférer les attributs de Dieu chrétien aux hommes, terme qui ici désigne le genre occidentaux. Ce processus ne pouvait se déployer qu'à partir d'un être impérial, c'est-à-dire de la subjectivité et de l'existence de quelqu'un qui se trouvait au centre du monde, qu'il avait conquis. Le mythe de l'homme occidental, capable de produire un savoir universel, déconnecté de toute temporalité et de toute spatialité, fonde le projet impérial global, avec l'ego politique cartésien de la connaissance, commença ce que le philosophe colombien Santiago Castro Gomez a appelé la perspective du point zéro. La perspective du point zéro, c'est le mythe occidental d'une absence de point de vue. En réalité, c'est un point de vue qui ne s'assume pas comme tel. Cela a permis aux hommes occidentaux de prétendre que leur savoir était universel, neutre et objectif. C'est dans cet état d'esprit que nous invitons aujourd'hui Omar Jabari Salamanca à partager son expertise sur la manière d'écrire, de parler et d'agir au milieu du génocide en cours en Palestine, exacerbé par des siècles de colonialisme et de domination impériale. Où puisons-nous l'inspiration nécessaire pour donner un sens à l'horreur que nous observons collectivement? Donc je commence à poser mes questions à Omar. Comment répondons-nous aux attaques contre nos grammaires, vocabulaires et analyses, fondement de notre lutte pour la justice et l'égalité? Ces questions cruciales seront au cœur de nos échanges, dans l'espoir de trouver des réponses et de tracer un chemin vers un avenir plus juste et plus solidaire. Que cette soirée soit riche et nous encourage à nous organiser et à lutter ensemble pour mettre fin au génocide à Gaza et à l'agression impériale en Palestine. Bonsoir, Omar. Bonsoir tout le monde. Merci pour ces présentations. Merci Nordine, mais aussi les Bruxelles Panthères et toute l'équipe. Aussi à vous en train de travailler là en arrière et au CFS pour accueillir des événements comme ça dans ces moments dans lesquels il y a une énorme répression pour des gens qui parlent pour la Palestine. Alors voilà, chapeau pour les centres et pour des autres espaces qui permettent d'avoir des conversations dans lesquelles on peut continuer à parler de la Palestine à ces moments. Nordine m'avait invité à parler et il a choisi mon titre qui était pour une épistémologie décoloniale qu'il avait trouvé dans sa présentation que j'avais fait à Paris il n'y a pas longtemps, dans laquelle avec Leila Surat, une camarade, collègue, copine, on avait fait un événement à Paris dans lequel on était en train d'essayer de penser les relations entre la Palestine et l'Algérie. Et on avait fait ce travail parce qu'on a réuni nombreuses personnes, des activistes, des artistes, des intellectuels, des académiques, pour essayer de réfléchir à ces deux contextes et leur histoire coloniale et anticoloniale. Et c'est ce qu'on trouvait assez étonnant, c'est qu'après tous ces temps, et il n'y a pas tellement de travail qui ont été faits ni en anglais, ni en français, ni dans des autres langues qu'on connaît, qui met ensemble ces deux contextes. Et on trouvait que c'était important pour une raison, pas seulement parce que ces deux contextes ont souffert et continuent à souffrir, la Palestine évidemment, un colonialisme de peuplement, mais aussi parce que souvent quand on parle de la Palestine, on nous met la Sud-Afrique comme l'horizon politique des décolonisations. C'est-à-dire le moment post-apartheid à Sud-Afrique, ça devient un modèle pour la Palestine. Alors que en Sud-Afrique, après l'apartheid, c'est vrai qu'on a réussi à avoir une certaine forme de libération dans laquelle tout le monde avait le même droit. Mais la question de la terre, qui a été toujours centrale pour des questions coloniales, a été pas résolue. Alors, c'est pas qu'en train de discuter la Palestine et l'Algérie, on voulait définir les modèles de libération pour la Palestine, mais on voulait plutôt essayer de penser à ces deux contextes. Et c'est dans cette journée d'études, on l'appelait, dans laquelle moi j'avais fait une petite présentation, dans laquelle je voulais réfléchir un peu à cette idée de, c'est ce que j'appelais là-bas, épistémologie pour une épistémologie anticoloniale, au-delà du paradigme d'Oslo. Et là, je faisais une réflexion par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avec Oslo, qu'on n'arrivait plus à articuler une façon de comprendre une terminologie, une grammaire qui nous aidait à comprendre qu'est-ce qu'il était en train de se passer. Tout d'un coup, après les accords de Oslo, dans les années 1990, d'un jour à l'autre, on a passé d'une occupation militaire, d'un projet colonial à un moment post-colonial. On a passé d'un langage militant ancré dans les expériences, longues expériences du militantisme anticolonial palestinien, très ancré dans le Troisième Monde, on a passé à parler de la construction étatique. On a arrêté de parler de Fedayeen pour parler de gens qui devenaient ressources humaines pour des ONG. Pour moi, la présentation que j'avais faite à Paris, c'était un peu essayer de penser qu'est-ce qui s'est passé avec ces vocabulaires qu'on utilisait avant et qui nous aidaient à comprendre la Palestine. Comment c'est possible que tout d'un coup, tout ce qu'on lisait, enfin, moi je parlais de ma propre expérience en train de grandir et faire un doctorat en Palestine dans un moment dans lequel on parlait de la Palestine comme la Cisjordanie et le Gaza, dans lesquels on avait assumé cette séparation spatiale et temporale de la Palestine. Alors, la Palestine et l'histoire de la Palestine, ça commençait en 1967, pas nécessairement en 1948. La Palestine, c'était la Cisjordanie et Gaza, mais ce n'était pas les Nakab ou les Galilées ou Jaffa ou Akka. Et c'est pas que les gens ils savaient pas ça, mais c'est que dans la littérature qu'on voyait publiée, on avait perdu ça et on voyait que ça avait été perdu, cet langage, un langage de parler. On parlait d'occupation comme une espèce d'une terminologie légale plutôt qu'une occupation de la mer à la rivière qui avait une histoire beaucoup plus longue. Alors c'est de là que cette idée part d'essayer de penser et réfléchir un peu à l'importance du langage, de la terminologie, du paradigme qu'on utilise pour y comprendre la Palestine. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Mais je parle de cette idée, de ces idées aujourd'hui, parce que ça fait 5 mois qu'on est dans un génocide. Et Et c'est difficile d'essayer d'écrire et de parler. C'est difficile d'articuler de façon écrite comment on parle de ce qu'il est en train de se passer. On n'a pas des mots. Et il n'y a pas des mots qui arrivent à capturer ce qu'il est en train de se passer. On peut détailler les numéros, les chiffres de ce qu'il est en train de se passer. Mais on va rester toujours coincé sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces horreurs, toute cette monstruosité. Voilà, ça fait deux semaines, trois semaines que je suis en train d'essayer d'écrire avec deux collègues, deux camarades, un texte. Et voilà, c'est comme ça qu'on a écrit. Comment on écrit au milieu du génocide? Comment, où est-ce qu'on commence? Et ça nous amène à la question du langage. Et ça peut paraître un peu banal de parler du langage quand à ces moments on doit tous être activés, en train d'être dans les rues, en train de mettre la pression, en train de s'organiser. Mais je voulais prendre un petit moment et prendre cet espace pour faire cette petite réflexion de pourquoi c'est important de penser aux mots qu'on utilise, de connaître les généalogies de ces mots, les histoires de ces mots, de comment on les utilise, de pourquoi on les utilise et comment ça nous sert à faire notre activisme. Non, si finalement, il n'y a pas une séparation entre la théorie et la pratique. Et je voyais hier comment l'armée israélienne encore a commis une autre atrocité. C'est ce qu'on appelle la massacre de la farine. Et je suis sûr que vous avez tous regardé ça, dans lesquels l'aide arrivait dans des camions. Et pendant que les Palestiniens étaient en train d'essayer de se rendre autour de ces camions pour prendre l'aide, la farine, un sac de farine après des semaines sans manger, les tanks israéliens sont commencés à tirer dessus les Palestiniens avec des tanks et avec des snipers. Et ces camions, ils ont dû être réutilisés pour amener les centaines de morts qui ont été faits. Et c'est encore une autre massacre, et on les a vus depuis les dernières 5 mois, on les a vus depuis 100 ans. Mais c'est ce qui est hallucinant, c'est comment on parle de ça dans la presse. Et c'est encore le mot, c'est ces mots qui aussi sont utilisés pour déhumaniser les Palestiniens. Et là, dès là, l'importance du langage, c'est à travers le mot que le sionisme est capable d'humaniser les Palestiniens et, dans les médias, mettre un massacre comme des gens qui meurent dans la façon passive, dans un chaos, pas dans un massacre. Et ils meurent parce qu'ils sont un mob qui se réunissent autour de l'aide humanitaire. C'est eux-mêmes qui le font. Non, ils nous montrent des images, en plus des drones, des images thermales, des images de drones dans lesquelles on voit, voilà, comme si c'était des animaux en train d'être autour de ces camions pour recevoir l'aide. Et alors, je raconte tout ça pour dire encore, et je vais me répéter encore un peu pendant toutes ces réflexions, que les histoires qu'on raconte, ils sont importants. Et comment on les raconte, quels mots on utilise, c'est important. Et ça dit beaucoup de nous et des histoires de personnes qu'on raconte. Et ça raconte aussi de nous-mêmes. Et alors, je voulais vous rappeler peut-être de ces moments aussi, en mai 2021, dans lesquels on a eu, c'est ce qu'on appelle le Unity Intifada, dans lesquels les Palestiniens se sont soulevés de la mer à la rivière. Et c'était un moment très important parce que ça faisait longtemps que les Palestiniens ne s'élevaient pas au même temps. Alors cette fragmentation coloniale a fait que ça devient très compliqué pour les Palestiniens d'être unifiés. Alors les Palestiniens qui habitent en Cisjordanie sont des circonstances complètement différentes des Palestiniens qui habitent en Jérusalem, des Palestiniens qui habitent à Gaza, des Palestiniens qui habitent dans les Nakab ou dans les territoires qu'on appelle 48. C'est ce qui est devenu l'État d'Israël. Et c'est encore très compliqué d'essayer de mettre tous ces Palestiniens en alliance sous les mêmes projets politiques avec les réfugiés qui se trouvent dans le monde arabe ou dans la diaspora. Alors, quand cette intifada s'est produite, c'était un moment très important, de façon symbolique. Les Palestiniens se sont levés de façon unitaire pour dire « on en est marre, on est ici et on est ensemble ». Et à ce moment-ci, c'est ce que moi je perçus, c'est qu'il y avait quand même une espèce de nouvelle grammaire qui n'était pas nouvelle, mais qui commençait à consolider. On a commencé à parler du colonialisme du peuplement, du apartheid, on a parlé de la mer à la rivière, on a parlé sionisme comme une forme de racisme. C'est des choses qui ont été toujours là, qui ont existé, mais dans ces moments-ci, on a vu dans les Palestiniens qui ont été invités dans des plateaux et studios, à la télé, dans les écrits qui ont été faits ces moments, qui ont été faits à ces moments, on a vu la consolidation de cette nouvelle grammaire. Et alors, cette nouvelle grammaire, elle est très importante. Je ne sais pas si, par exemple, pour prendre l'exemple du colonialisme du peuplement, s'il y a entre vous, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire, le colonialisme du peuplement, c'est un terme qui est familière ou est-ce que c'est le même? Je ne sais pas si vous pouvez peut-être lever la main pour celles qui connaissent ce terme, colonialisme du peuplement, qui est familière. Ou... Voilà, bah alors... Moi... Pardon? Voilà. Les Français en Algérie aussi. Voilà. Alors... Le colonialisme du peuplement, pour revenir à l'exemple que j'avais donné avant, était un terme qui était né dans les années 50-60 pour les Palestiniens et qui était né d'une expérience partagée avec des autres peuples colonisés, de mouvements du Troisième Monde, de mouvements de libération à ces moments. Et c'est pas seulement un terme, c'est un paradigme pour essayer de comprendre comment l'impérialisme était en train de s'expandre dans différents milieux du monde. Évidemment, en tant qu'idée, le colonialisme du peuplement, en tant qu'une forme très spécifique de colonialisme, n'est pas né à ces moments, mais on voit comment les Palestiniens, à travers de l'OLP, les Palestine Liberation Organization, et ces mouvements et les centres de recherche palestiniens, ils ont commencé à écrire par rapport à ces thématiques. Alors, il parlait et il s'était en train d'écrire par rapport au colonialisme du peuplement, mais il partageait aussi des analyses avec leurs camarades en Sud-Afrique. La Sud-Afrique, c'est aussi un autre exemple de colonialisme du peuplement, comme par exemple l'Australie ou les États-Unis. Ou même à Chili, les Espagnols contre, et les Chiliens aujourd'hui contre le peuple Mapuche. Alors la différence entre les colonialismes du peuplement et les colonialismes, les colonialismes du peuplement de Français en Algérie n'est pas le même projet que les colonialismes des Belges en Belgique, au Congo. Les colonialismes du peuplement, est comme une ligne, en tant que le colonialisme de Belge au Congo est comme un cercle. Les colons, ils vont aller, ils vont extraire les ressources, mais finalement, ils vont finir par retourner. Il n'y a pas une intention de remplacer la population indigène de façon absolue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de massacres, des crimes, etc. Mais quand on voit, par exemple, les sionistes en Palestine, il y a cette idée d'essayer de prendre la terre et de s'embarrasser du peuple indigène. Et ça ne veut pas dire que ces processus, ils sont toujours réussis à être complets. Ce n'est pas que, même si on a vu des cas dans lesquels les Espagnols ont... Ou à Biayala, dans l'Amérique latine, ou les Américains, on a vu des de peuples complets qui ont été faits disparus par des logiques génocidaires et d'élimination. Mais ça ne veut pas dire que ces projets sont toujours réussis à faire ça. Non? Et alors, comprendre cette idée que le sionisme, dans le cas de la Palestine, est un projet du colonialisme du peuplement, ça va... naturellement contre cette idée que le problème qu'on a aujourd'hui à la Palestine est un problème d'une occupation militaire au Jérusalem, à Cisjordanie et à Gaza. Non, c'est en fait comme ça. Oslo, c'est ce qui a fait, c'est implémenter cette idée et distribuer cette idée que le problème de la Palestine va se résoudre dans le moment que les Palestiniens peuvent avoir un État dans la Cisjordanie, Gaza, avec leur capitale à Jérusalem. Mais il y a toute une histoire qui échappe à ces contextes et ces cadres légaux. Et c'est cette histoire des dépossessions qu'on est en train de voir qui se met en place aujourd'hui dans la façon dans laquelle les gens s'expriment. Les génocides qu'on voit aujourd'hui est en train de contribuer à faire visible cette histoire qui, spécialement d'après Oslo, mais aussi avant, a essayé de réduire à ces cantons, ces réservations qu'on voit aujourd'hui dans la Cisjordanie, à Gaza, et en train d'oublier la question aussi de réfugiés. Alors, comme je disais avant, cette connaissance a produit une épistémologie. Et c'est cette épistémologie anticoloniale qui a été produite à travers de la lutte, à travers de l'expérience, à travers les partages avec des autres luttes. Alors, c'est une connaissance partagée qui est, comme je disais, très ancrée dans ces luttes anticoloniales qu'on oublie maintenant. On oublie que ces mouvements anticoloniaux ont dû utiliser la résistance de toute façon, y inclut la résistance armée, pour se libérer de ce colonialisme. On ne demandait pas à ces moments au mouvement anticolonial de condamner les morts de colons qui étaient en France, en Algérie, je veux dire, qui était au Congo, qui était en Sud-Afrique, ou comme on l'avait vu avec les Britanniques, avec les Mau Mau, dans lesquels, dans un moment donné, on a vu 100 citoyens anglais qui ont été assassinés comme une partie de cette résistance. Alors, le problème, ce n'est pas que cette lutte armée doit être condamnée et évidemment que les vies de ces personnes, de ces colonnes, sont importantes et que pour leurs familles et leurs copains, c'est une question très dramatique. Mais si on commence la question là-dedans, on va en oublier les problèmes à la base. Alors, on va être concentré sur les symptômes et pas sur les problèmes qui, dans le cas de la Palestine, par exemple, dans des autres cas, c'était l'impérialisme ou le colonialisme. Alors, les mots sont de terrains politiques, des terrains politiques très importants qui est... On doit être très conscient qu'on doit lutter pour préserver leur signification, telle que cette signification a été construite à la base de ces expériences. Non? Je voulais aussi rappeler comment les mêmes gens qui ont, dans les centres de recherche palestiniens, comme partie de l'OLP dans les années 60. C'est les mêmes personnes qui ont essayé de mobiliser et pousser pour cette résolution en 1975, décembre, je pense, dans laquelle on a convoqué l'idée que le sionisme est du racisme. C'est une résolution qui a été passée en 1975 et qui a été annulée comme partie des accords de Oslo. C'est les Israéliens qui ont demandé, les Palestiniens, de faire que cette résolution disparaisse des annales de la Nation Unie. Mais nous, on se rappelle que le sionisme est du racisme et que, pas parce qu'on enlève une résolution et pas parce qu'on a quelque chose qui nous ont vendu comme un processus de paix, le sionisme arrête d'être un projet génocidaire et raciste, comme on continue à le voir aujourd'hui. Alors c'est vraiment ces gens, et on pourrait parler, il y avait les centres de recherche palestiniens, l'Institut d'études palestiniens, l'Association arabe-américaine des gradués, ou des institutions comme l'Université de Birzeit qui ont contribué à développer toute cette... Toute cette connaissance qui a été centrale pour le mouvement de libération nationale palestinien. Et tout ça, on le perd. Tout ça, on le perd dans un moment. Et c'est ces moments de Oslo qui a été profondément problématique pour qu'aujourd'hui, on se voit dans la situation dans laquelle on doit continuer à rappeler cette histoire. Les gens, souvent, ils ont une mémoire fragile, mais à part de ça, il y a cette idée de comment les accords de Oslo ont été aussi une partie très importante qui a contribué à que chaque fois que les Israéliens commettent un massacre chez les Palestiniens, on doit récupérer toute cette archive qui est là, qui est écrite et qui s'est transmet aussi de façon orale parmi les Palestiniens. À Gaza, aujourd'hui, les familles continuent à rappeler comment... Par exemple, en 1947-1948, pendant la Nakba, les Israéliens lui sont chassés de leur maison, de leur terre, et les ont poussés dans cette invention, qui est une invention israélienne, qui s'appelle la Gaza Strip. Je ne sais pas comment on dit ça en français, en fait. La bande de Gaza. Et Gaza était un district. Un district qui avait des connexions très profondes avec Jaffa, avec Hébron, avec Beersheba. C'était un énorme espace de plus de 30 000 kilomètres carrés qui, d'un jour à l'autre, a été réduit à presque 300 kilomètres carrés. Et pas seulement ça, cette frontière coloniale qui a été construite autour de Gaza, on a dû concentrer une énorme population de 200 000 réfugiés à ces moments. Et les Palestiniens qui sont aujourd'hui à Gaza et qui peuvent encore regarder leur terre à travers les murs qui ont été construits depuis les années 70 déjà, c'est pas dans les années 90, c'est pas dans les années 2000, c'est pas après 2006 ou 2007 quand les Hamas a gagné les élections de façon démocratique qu'on a construit des barrières. C'est déjà dans les années 70 que l'Israël a construit des barrières autour de la bande de Gaza. Et les Palestiniens aujourd'hui, ils continuent à être capables de voir leur terre de l'autre côté, juste à côté. Et alors, le 7 octobre, quand ils ont réussi à casser cette barrière, ils sont momentanément réussi à retourner à ces terres. Tout ça pour dire que cette histoire, et c'est une histoire qui n'est pas seulement une production épistémologique, qui est commun et assez compliqué à comprendre et à expliquer, mais que c'est un vécu. Et c'est un vécu qui n'est pas seulement documenté dans énormément de productions écrites, mais aussi qui passe à travers des histoires orales des plus vieux aux plus jeunes. Voilà. Peut-être aussi dire de l'importance à ces moments du fait que Israël est en train de se faire accuser au tribunal international de justice du crime de génocide. Et je pense que même si on est très conscient que la loi en tant que soi, qui est aussi un produit très colonial, et qui finalement c'est la loi qui a encadré la Palestine et qui a fait que l'État d'Israël peuvent exister à travers des Nations Unies. Cette loi est la même loi, et on vit en contradiction toujours, en contradiction politique. On utilise cette loi parce qu'il n'y a pas rien d'autre pour les Palestiniens à ces moments pour pouvoir mobiliser, mais aussi parce qu'on y croit. Mais on y croit quand cette loi s'applique de façon égalitaire à tout le monde. On n'y croit pas quand cette loi, elle est comme on les voit aujourd'hui, avec les cas de l'Ukraine, par exemple. Mais le fait qu'aujourd'hui, Israël a été amené à ce tribunal et condamné par les génocides est très important au plusieurs niveaux. Et c'est encore un mot. C'est un crime qui est codifié dans la loi, mais c'est un mot aussi qui est pour les Palestiniens, pour les militants, pour les intellectuels, c'est un mot important à engager avec. Et ce mot est important, pas seulement parce qu'il fait que des masques tombent. Non? Alors on pourra dire qu'il y a trois masques qui tombent avec cette cas au tribunal. Il est la masque du sionisme comme victime. L'Israël ne peut plus se cacher derrière l'alibi du Holocauste. Ils ne peuvent pas. Alors ça sera une masque. Mais c'est ce qui est aussi important, c'est que l'Israël, l'État d'Israël, un État qui a été construit de façon exclusive pour les Juifs, comme eux, ils le disent, c'est un État qui est construit en 1948. C'est à ces moments qu'on a passé, qu'on a prouvé dans les Nations Unies, qui étaient aussi construits de façon très récente, 1945, je pense. Et c'est à ces moments que l'Israël est créé, au même moment que la Convention pour la prévention contre les génocides a été créée. À ces mêmes moments. Après l'Holocauste, c'est à ces moments qu'on ne peut pas imaginer que les victimes de l'Holocauste sont en train de commettre des crimes contre un autre peuple. On a effacé complètement cette histoire. Les crimes originaux de l'État d'Israël, la Nakba, se passent à ces moments. La Nakba, qui pour vous rappeler, c'est le moment dans lequel les sionistes vont chasser de leur terre et jeter de la Palestine, hors de la Palestine, plus de 750 000 Palestiniens, plus de 80% de la population. Et c'est à ces moments qu'ils sont détruits plus de 400 villages et villes de Palestiniens pour que ces réfugiés, ils ne reviennent jamais. C'est ce crime fondationnel de l'État d'Israël, au même moment qu'on est en train de passer la Convention pour la prévention du génocide, qui a été complètement effacée. Le fait qu'aujourd'hui Israël est assise dans ses cours est pour nous, très important, pour faire visible, pour donner encore une visibilité à ces moments de la Nakba, à cette crime fondationnel. Espérons qu'il y ait un jour pour faire que l'Israël doit aussi donner des explications de cette crime. Mais ces moments aussi, c'est très important parce que c'est la Sud-Afrique qui est en train d'amener l'État d'Israël à Den Haag, La Haye. Et c'est très important parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez les images, mais parmi les groupes des avocats sud-africains, il y avait quelques-unes qui portaient un petit écharpe avec les drapeaux. Ces drapeaux et les drapeaux post-apartheid. Avant 1994, il y avait un autre drapeau. Et c'est avec cette pride que l'équipe des avocats se place devant cette 17 juges et commence à dire que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, en Palestine a une histoire et qui commence à ces moments dans la Nakba. Et que c'est la Sud-Afrique, ça nous ramène justement à cette histoire, voilà, je répète, qu'on oublie souvent, qui est l'histoire anticoloniale. On ne peut plus voir et comprendre qu'il y a encore des mouvements anticoloniaux parce que dans nos universités, dans nos écoles, ils nous disent que le colonialisme est quelque chose qui appartient au boucan d'histoire. Mais, et ce n'est pas la Palestine exclusivement qui est les derniers. On a les Sahara, on a les Cachemire, on a les Mapuches, on a les Premières Nations aux États-Unis, on a les Aboriginals en Australie. Il y a énormément de cas de gens qui ont des communautés qui n'ont pas réussi à avoir leur droit d'autodétermination. Alors que c'est la Sud-Afrique qui fait et qui propose ces cas, ça amène toute cette histoire, et ce n'est pas seulement évidemment la Sud-Afrique, il y a aussi à côté Namibia, on a entendu parler, appeler aux Allemands et leur dire voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous n'avez pas encore ni reconnu, ni arrivé à assumer les génocides que vous avez commis. Mais il y a aussi Irlande, l'Algérie et beaucoup des autres pays qui sont en train d'appuyer ces cas, pas seulement parce qu'ils veulent être pro-palestiniens, mais parce qu'ils comprennent cette expérience et parce qu'ils sont travaillés pour leur libération et parce qu'ils ont appuyé l'OLP de la même façon que la OLP les a appuyés et les a aidés à eux, en Sud-Afrique, à Beyrouth et dans des autres lieux. Non? Alors c'est cette histoire de solidarité anticoloniale que je pense que c'est très important et que cette cas dans les Hague nous aide à récupérer. Voilà, moi je pense que il y a plein de choses à dire, mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir une conversation. Voilà, je conclue de la même façon que j'ai commencé. C'est important comment on parle, il y a une terminologie, c'est important qu'on essaie de comprendre la généalogie de la terminologie qu'on utilise, pas seulement pour nous défendre, mais pour articuler aussi de projets de libération et des horizons politiques qui nous servent aujourd'hui et demain. Et on est en train de voir ça, et c'est assez spécial de voir comment aujourd'hui, en Belgique, spécialement à Bruxelles, il y a énormément des infrastructures qui sont en train de se créer, et des organisations et énormément de mobilisations qui sont en train d'appuyer des gens qui étaient déjà là-bas, mais qui espérons qu'ils sont en train de se penser pas seulement pour demain, mais pour les longs termes, parce que la lutte pour la libération des Palestines, ça ne va pas se finir cette année. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Omar pour cette présentation vraiment très importante et pour nous aussi effectivement l'utilisation des mots elle est importante, cette discussion elle est importante pas juste comme une discussion philosophique, est-ce que l'épistémologie c'est important, pas important, mais vraiment dans ses faits, dans sa pratique politique. Donc dans nos discussions à un moment on avait pensé d'aborder la question d'un État. Et puis, en gros, on a laissé tomber ça, mais avec toutes ces discussions, effectivement, l'importance de revenir sur la question de colonialisme, de peuplement, sur l'importance de la Nakba, du retour des réfugiés, il y a la question dans les cercles militants, est-ce que c'est important aujourd'hui de savoir si c'est la question d'un État ou deux États est importante. Pour ne pas s'éterniser, parce que ça mérite une présentation en elle-même, la question d'un État ou deux États, juste laissons-la tomber. Est-ce que depuis le 7 octobre, dans le monde militant, il y a eu un basculement de la grammaire militante? Est-ce que c'est fini maintenant de parler de colonies militaires, occupation militaire? Est-ce que tu penses qu'il faut travailler à ça, justement, de revenir à une épistémologie anticolonialiste, comme tu l'as cité avant Oslo? Et sur quoi s'appuyer? Est-ce que les mouvements, comme tu as commencé sur le contexte algérien, qu'est-ce que le contexte algérien ou sud-africain ou l'Angola ou l'Australie ou les États-Unis peuvent nous apporter? Et aussi, excuse-moi, dans ce changement de grammaire, en fait, le contexte ici, est-ce que ce changement de vocabulaire qui a eu n'a pas aussi servi à l'islamophobie, au racisme anti-arabe, aux politiques anti-immigration, aux politiques sécuritaires? Ouais. Je commence avec la deuxième question, alors. Et moi, je pense, voilà. Je pense que la grammaire, elle continue à changer à chaque fois, non? Et alors qu'aujourd'hui, on peut utiliser le mot génocide quand nous, on a su, depuis le tout début, que c'était un génocide. Pas le 7 octobre, mais 1948, il y avait un nettoyage ethnique. Il y avait des conditions qui font partie de la définition du génocide au même moment qu'elle a été construite, qui a été détaillée. Alors, c'est ce qui est une horreur, c'est que ça prend de massacres pour qu'on puisse récupérer chaque fois cette grammaire qui est très claire. Et alors, depuis l'Holocauste nazi, depuis ces horreurs, il y a eu toute une production de connaissances autour de qu'est-ce que ça veut dire un génocide. Il y a eu une école des études qui s'est produite autour de cette définition. Et on a pu parler de la Palestine en tant que cas de génocide. 48, 67, au milieu, les massacres qui ont été faits par Ariel Sharon dans les années 50 à Gaza, Shabran Shatila aussi par Ariel Sharon dans les années 80. On n'a pas pu parler de génocide parce qu'on nous accusait d'antisémitisme. Ça prend un génocide de cette magnitude aujourd'hui à Gaza pour qu'on puisse parler avec la terminologie qui est la terminologie précise, pour qu'on puisse dire colonialisme, pour qu'on puisse dire apartheid, pour qu'on puisse dire génocide, il faut qu'il y ait 30 000, et ça c'est les sous-estimations, de personnes qui ont été assassinées dans 5 mois, quoi. Et chaque fois, c'est la même histoire. Pour que cette grammaire ait réintroduit, pour que cette épistémologie, cette façon de voir le monde, cette façon de comprendre les sionismes, ça prend tout ce temps pour que ça se passe. Mais après, on oublie et on recommence. C'est comme des couches historiques qui commencent à se condenser et qui contribue à effacer cette histoire, non ? Cette histoire qui, comme j'ai dit, je rappelle, elle est écrite, elle est vécue, elle est connue. Ce n'est pas qu'on est en train d'inventer, la Palestine est un des lieux le plus documentés. On ne parle pas ni la moitié du Congo avec tout ce qui est en train de se passer. On ne parle pas du Soudan. On ne parle pas des énormément des contextes. Je pense que c'était Darwish ou Saïd ou je ne sais pas qui disait voilà, on parle tellement de la Palestine parce que la Palestine, ils sont de la chance que leur ennemi, c'est les Juifs, le peuple juif. Et ce n'est pas le peuple juif qui est l'ennemi de la Palestine. C'est les sionistes qui sont les ennemis de la Palestine. Mais alors, cette grammaire est tout le temps récupéré à ces moments. Alors la question, c'est comment on continue à travailler, comment on mobilise pour qu'on puisse préserver cet langage et ne pas permettre qu'il nous enlève ces mots, qui nous permet d'articuler une vision politique, une vision analytique de ce qu'on est en train de voir. Non ? Effectivement, que ces langages, il est aussi très important pour la déhumanisation qui permet d'aller dans ces formes de racisme qui incluent la islamophobie contre les migrants. On est en train de voir ces jours... le fascisme qui est en train de prendre l'Europe. Moi, c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui quand je vois la répression contre les Palestiniens. Ce n'est pas une question seulement de la Palestine, c'est une question de tout le monde. Du fascisme qui est en train de prendre l'Europe et qui n'arrive pas d'hier, et qui est le même fascisme qui fait la répression des Palestiniens, qui fait la répression des musulmans, qui fait la répression de migrants. Et c'est la social-démocratie, entre autres, qui permet que, et qui ouvre la porte pour ça, parce qu'ils condamnent pas de façon radicale tous ces discours quand ils se produisent. Ils laissent passer, et après, on arrive dans un moment dans lequel on est en train de vivre en Europe, dans lequel il n'y a pas les fascismes qui arrivent. On a des pays qui ont des gouverneurs qui sont fascistes. Et ceux qui on appelle fascistes, comme les gens qui sont en train de gouverner l'Angleterre, qui sont en train de dire « arrêtez les bateaux, envoyez les gens à Rwanda ». Ça, c'est le monde dans lequel on trouve. Alors, ce langage est important, pas pour défendre la Palestine ou de... c'est pas une épistémologie, cette épistémologie anticoloniale, dans les moments dans lesquels elle a été créée, elle était une épistémologie antifasciste. Et ça nous serve à ces moments aussi. Et j'insiste, c'est pas pour les Palestiniens, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos droits, c'est pour notre société. Et évidemment que cette grammaire, elle est cruciale et super importante. Voilà, comme je disais avant, c'est à travers le mot que le sionisme a pu déhumaniser les Palestiniens. C'est cette même langage qui peuvent déshumaniser les migrants, les musulmans en France, en Belgique et partout dans le monde, en Inde, avec les Hindutva aussi, on les voit très clairement, non ? Et par rapport à la question d'un État, deux États, trois États, mille États, non-États, voilà, je voyais aujourd'hui, je pense que quelqu'un avait écrit un truc, je voyais passer sur Twitter. Moi, j'avais fait partie en 2006 d'un groupe qui s'appelait le groupe Un État, qui était constitué à Londres. C'était un collectif des gens qui voulaient pousser pour cette idée. L'idée d'un État, c'est à la base et une idée qui est très, très ancrée dans les projets de libération palestinien, qui avait proposé aux sionistes et au monde un projet de libération dans lequel tout le monde avait l'espace entre la mer et la rivière. C'est déjà de ces moments-là que les slogans aussi, il vient. Un projet séculaire dans lequel tout le monde avait le même droit. C'est ces projets que les sionistes, ils sont complètement refusés. Et c'est pas seulement, quand on dit les sionistes, c'est pas seulement les Israéliens. Il y a des Palestiniens qui peuvent être des sionistes aussi, n'est-ce pas ? Mais c'est à travers les États-Unis, à travers les Européens et les Israéliens qu'ils sont poussés pour ne pas accepter ces projets démocratiques, séculaires, et qui ont poussé pour un projet qui était réduit, qui s'est vu réduit pour la Cisjordanie et Gaza, et qui peu à peu, à travers de ces négociations infinies, a terminé par cette petite Bantoustan qu'on voit aujourd'hui en Palestine, dans laquelle le projet colonial a continué. Toutes ces négociations, les seules choses qui ont permis finalement, c'est ces projets coloniaux d'avancer. Comme on l'a vu historiquement, toujours, des traités entre les colons et les indigènes, de papier mouillé qui a servi à rien, mais à permettre les colons d'essayer d'arranger les choses pendant un moment pour continuer leur projet colonial. Alors, la question d'un État, elle vient de ces moments. En 2006, je faisais partie de cette collective et peut-être avait un espace politique qui était, un contexte politique qui était un peu différent. On avait fait une conférence à Londres, au SOAS. Il y avait eu une conférence avant à Madrid et on a commencé à répliquer cette conférence. Et cette conférence a répliqué partout. Alors les gens, ils ont pris les concepts, alors ils faisaient des conférences pour un État. Jusqu'à un moment dans lequel ça s'arrêtait. Il y avait la continuation de la deuxième intifada, c'était ces moments-là, la fin de la deuxième intifada. Mais le problème a été que les mouvements de libération palestine étaient complètement détruits, a collapsé. On avait Salam Fayyad en Palestine, enfin en Cisjordanie, qui a proposé l'État, la construction de l'État, la construction des infrastructures, un projet néolibéral. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça que la communauté internationale va voir, que nous, on est très investis à construire ces infrastructures qui montrent cet État comme une espèce de réalité matérielle. Ces rituels étatiques, c'est ça que ces personnes et le Palestinien, l'autorité palestinienne a pensé qu'elle allait aider à que la communauté internationale s'est rendue compte qu'il y avait un problème, encore une fois. Mais le projet de l'OLP, en tel qu'il avait collapsé avant que l'autorité palestinienne ait les accords de Oslo, non ? Et alors, comment on peut aujourd'hui parler d'un État ou deux États quand on a nos représentants en train de se réunir à Moscou pour essayer, après 5 mois de génocide, d'avoir une position commune, une position politique commune ? Comment on va, à ces moments, penser si c'est un État ou des États quand on n'a même pas cette position en commun. Les Israéliens, le jour après le 7 octobre 7, ils ont fait un comité de guerre, ils se sont mis tous ensemble. Moi, j'attendais que les Palestiniens en fassent pareil. Ils n'ont pas fait ça. C'est aujourd'hui qu'ils se rencontrent à Moscou. Aujourd'hui. Et ils sont sortis, il n'y a rien en commun. Alors, c'est à travers, c'est eux qui ces représentants des différents partis politiques qui doivent se mettre d'accord, qui pour moi devraient réactiver l'OLP en tant qu'institution qui représente tous les Palestiniens, tous les voix, n'importe où est-ce qu'ils se trouvent, y inclut la diaspora, et qu'après, on nous fait partie de ces projets de discussion, d'articuler une vision. Mais à ce moment-ci, ça me paraît que ce n'est pas le moment. Et il y a beaucoup d'argent qui a été investi à discuter énormément de publications qui on a écrites. Et moi, je pense que c'est un beau projet. Mais au milieu d'un génocide, quand même, de l'échelle qu'on est en train de voir, on ne sait même pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer avec les gens des Gaza. Est-ce qu'ils vont être jetés ? Est-ce qu'ils vont aller à Rafah ? Est-ce qu'ils vont les jeter du côté égyptien ? Comment ils sont déjà faits dans des autres moments, dans les années 50 encore ? Et c'est très important de rappeler ces histoires de Gaza, mais de la Palestine et n'importe où. Dans les années 50, pendant 4 mois, l'État israélien a occupé Gaza et qui était à ces moments géré par les Égyptiens et qui a jeté de Palestiniens vers l'Égypte. Et on a vu ça, c'est répété aussi dans les années 70. Non alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Je ne pense pas que les Palestiniens sont dans la position de pouvoir réfléchir. Et ce n'est pas que ce n'est pas important. Voilà, il y a des projets impériaux et coloniaux qui ont disparu d'un jour à l'autre. Il faut être préparé, certainement, dans lesquels on ne s'attend pas. Et il faut avoir quand même une vision, une idée. Mais voilà.